Chapitre 5. La partie de plaisir. J'eus peine à suivre Augustin sur la route du vieux Nançay. Il allait comme un coureur de bicyclette. Il ne descendait pas aux côtes. À son inexplicable hésitation de la veille avait succédé une fièvre, une nervosité, un désir d'arriver au plus vite qui ne laissait pas de m'effrayer un peu. Chez mon oncle, il montra la même impatience. Il parut incapable de s'intéresser à rien jusqu'au moment où nous fûmes tous installés en voiture vers 10 heures, le lendemain matin, et prêts à partir pour les bords de la rivière. On était à la fin du mois d'août, au déclin de l'été. Déjà les fourreaux vides des châtaigniers jaunis commençaient à joncher les routes blanches. Le trajet n'était pas long. La ferme des Aubiers, près du Cher, où nous allions, ne se trouvait guère qu'à 2 kilomètres au-delà des Sablonnières. De loin en loin, nous rencontrions d'autres invités en voiture et même des jeunes gens à cheval que Florentin avait conviés audacieusement au nom de Monsieur de Galais. On s'était efforcé, comme jadis, de mêler riches et pauvres, châtelains et paysans. C'est ainsi que nous vîmes arriver à bicyclette Jasmin Delouche, qui, grâce au garde baladier, avait fait naguère la connaissance de mon oncle. « Et voilà, » dit Moulne, en l'apercevant, « celui qui tenait la clé de tout, pendant que nous cherchions jusqu'à Paris. C'est à désespérer. » Chaque fois qu'il le regardait, sa rancune en était augmentée. L'autre, qui s'imaginait au contraire avoir droit à toute notre reconnaissance, escorta notre voiture très près, jusqu'au bout. On voyait qu'il avait fait misérablement, sans grand résultat, des frais de toilette, et les pans de sa jaquette limée battaient le garde-crotte de son vélocipède. Malgré la contrainte qu'il s'imposait pour être aimable, sa figure vieillotte ne parvenait pas à plaire. Il m'inspirait plutôt à moi une vague pitié. Mais de qui n'aurais-je pas eu pitié durant cette journée-là? Je ne me rappelle jamais cette partie de plaisir sans un obscur regret, comme une sorte d'étouffement. Je m'étais fait de ce jour tant de joie à l'avance. Tout paraissait si parfaitement concerté pour que nous soyons heureux, et nous l'avons été si peu. Que les bords du Cher étaient beaux pourtant. Sur la rive où l'on s'arrêta, le coteau venait finir en pente douce, et la terre se divisait en petits prés verts. On saulait, séparés par des clôtures, comme autant de jardins minuscules. De l'autre côté de la rivière, les bords étaient formés de collines grises, abruptes, rocheuses. Et sur les plus lointaines, on découvrait parmi les sapins de petits châteaux romantiques avec une tourelle. Au loin, par instant, on entendait aboyer la meute du château de Préverange. Nous étions arrivés en ce lieu par un dédale de petits chemins, tantôt hérissés de cailloux blancs, tantôt remplis de sable, chemin qu'aux abords de la rivière, les sources vives transformaient en ruisseaux. Au passage, les branches des groseilliers sauvages nous agrippaient par la manche. Et tantôt, nous étions plongés dans la fraîche obscurité des fonds de ravins, tantôt, au contraire, les haies interrompues, nous baignions dans la claire lumière de toute la vallée. Au loin, sur l'autre rive, quand nous approchâmes, un homme accroché au roc, d'un geste lent, tendait des cordes à poissons. Qu'il faisait beau, mon Dieu! Nous nous installâmes sur une pelouse, dans le retrait que formait un taillis de bouleaux. C'était une grande pelouse rase, où il semblait qu'il y eût place pour des jeux sans fin. Les voitures furent dételées, les chevaux conduits à la ferme des Aubiers. On commença à déballer les provisions dans le bois et à dresser sur la prairie de petites tables pliantes que mon oncle avait apportées. Il fallut à ce moment des gens de bonne volonté pour aller à l'entrée du grand chemin voisin, guetter les derniers arrivants et leur indiquer où nous étions. Je m'offris aussitôt. Maulne me suivit et nous allâmes nous poster près du pont suspendu, au carrefour de plusieurs sentiers et du chemin qui venait des Sablonnières. Marchant de long en large, parlant du passé, tâchant tant bien que mal de nous distraire, nous attendions. Il arriva encore une voiture du vieux Nançay, des paysans inconnus avec une grande fille enrubannée, puis plus rien. Si 3 enfants, dans une voiture à âne, les enfants de l'ancien jardinier des Sablonnières. Il me semble que je les reconnais, dit Maulne. Ce sont eux, je crois bien, qui m'ont pris la main jadis, le premier soir de la fête, et m'ont conduite au dîner. Mais, à ce moment, l'âne, ne voulant plus marcher, les enfants descendirent pour le piquer, le tirer, cogner sur lui tant qu'ils purent. Alors, Maulne, déçu, prétendit s'être trompé. Je leur demandai s'ils avaient rencontré sur la route monsieur et mademoiselle de Galais. L'un d'eux répondit qu'il ne savait pas, l'autre, je pense que oui, monsieur, et nous ne fûmes pas plus avancés. Ils descendirent enfin vers la pelouse, les uns tirant l'ânon par la bride, les autres poussant derrière la voiture, nous reprîmes notre attente. Moon regardait fixement le détour du chemin des Sablonnières, guettant, avec une sorte d'effroi, la venue de la jeune fille qu'il avait tant cherchée jadis. Un énervement bizarre et presque comique qu'il passait sur Jasmin s'était emparé de lui. Du petit talus où nous étions grimpés pour voir au loin le chemin, nous apercevions sur la pelouse en contrebas un groupe d'invités où Delouche essayait de faire bonne figure. « Regarde-le, Perroret, cet imbécile !» me disait Maulne. Et je lui répondais « Mais laisse-le, il fait ce qu'il peut, le pauvre garçon !» Augustin ne désarmait pas. Là-bas, un lièvre ou un écureuil avait dû déboucher d'un fourré. Jasmin, pour assurer sa contenance, fit mine de le poursuivre. « Allons bon, il court maintenant !» fit Moon, comme si vraiment cette audace-là dépassait toutes les autres. Et cette fois, je ne pus m'empêcher de rire. Moon aussi, mais ce ne fut qu'un éclair. Après un nouveau quart d'heure, « Si elle ne venait pas, » dit-il. Je répondis, « Mais puisqu'elle a promis, sois donc plus patient !» Il recommença de guetter, mais à la fin incapable de supporter plus longtemps cette attente intolérable. « Écoute-moi, » dit-il, « je redescends avec les autres. Je ne sais ce qu'il y a maintenant contre moi, mais si je reste là, je sens qu'elle ne viendra jamais, qu'il est impossible qu'au bout de ce chemin, tout à l'heure, elle apparaisse. » Et il s'en alla vers la pelouse, me laissant tout seul. Je fis quelques 100 mètres sur la petite route pour passer le temps, et au premier détour, j'aperçus Yvonne de Galais, montée en Amazone, sur son vieux cheval blanc, si fringant ce matin-là qu'elle était obligée de tirer sur les rênes pour l'empêcher de trotter. À la tête du cheval, péniblement, en silence, marchait Monsieur de Galais. Sans doute, ils avaient dû se relayer sur la route, chacun à tour de rôle, se servant de la vieille monture. Quand la jeune fille me vit seule, elle sourit, sauta prestement à terre, et confiant les rênes à son père, se dirigea vers moi qui accourait. « Je suis bien heureuse, dit-elle, de vous trouver seule, car je ne veux montrer à personne qu'à vous le vieux Bélisaire, ni le maître avec les autres chevaux. Il est trop laid et trop vieux d'abord, puis je crains toujours qu'il ne soit blessé par un autre. Or, je n'ose monter que lui, et quand il sera mort, je n'irai plus à cheval. » Chez Mademoiselle de Galais, comme chez Maulne, je sentais sous cette animation charmante, sous cette grâce en apparence si paisible, de l'impatience et presque de l'anxiété. Elle parlait plus vite qu'à l'ordinaire. Malgré ses joues et ses pommettes roses, il y avait autour de ses yeux, à son front, par endroits, une pâleur violente où se lisait tout son trouble. Nous convînmes d'attacher Bélisaire à un arbre dans un petit bois proche de la route. Le vieux monsieur de Galais, sans mot dire comme toujours, sortit le licol des fontes et attacha la bête, un peu bas à ce qu'il me sembla. De la ferme, je promis d'envoyer tout à l'heure du foin, de l'avoine, de la paille. Et Mademoiselle de Galais arriva sur la pelouse comme jadis, je l'imagine. Elle descendit vers la berge du lac lorsque Maulne l'aperçut pour la première fois. Donnant le bras à son père, écartant de sa main gauche le pan du grand manteau léger qui l'enveloppait, elle s'avançait vers les invités, de son air à la fois si sérieux et si enfantin. Je marchais auprès d'elle, tous les invités éparpillés ou jouant au loin s'étaient dressés et rassemblés pour l'accueillir. Il y eut un bref instant de silence pendant lequel chacun la regarda s'approcher. Maulne s'était mêlé au groupe des jeunes hommes et rien ne pouvait le distinguer de ses compagnons sinon sa haute taille. Encore y avait-il là des jeunes gens presque aussi grands que lui. Il ne fit rien qui pût le désigner à l'attention, pas un geste ni un pas en avant. Je le voyais, vêtu de gris, immobile, regardant fixement, comme tous les autres, la si belle jeune fille qui venait. À la fin, pourtant, d'un mouvement inconscient et gêné, il avait passé sa main sur sa tête nue, comme pour cacher au milieu de ses compagnons aux cheveux bien peignés sa rude tête rasée de paysan. Puis le groupe entoura Mademoiselle de Galais. On lui présenta les jeunes filles et les jeunes gens qu'elle ne connaissait pas. Le tour allait venir de mon compagnon, et je me sentais aussi anxieux qu'il pouvait l'être. Je me disposais à faire moi-même cette présentation, mais, avant que j'eusse pu rien dire, la jeune fille s'avançait vers lui avec une décision et une gravité surprenantes. « Je reconnais Augustin Maulne, » dit-elle, et elle lui tendit la main.